Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 17 février 2025. On ne se trompe pas d'année. Et bien tout d'abord, j'espère que la semaine précédente s'est bien passée, que la Saint-Valentin, pour ceux qui l'ont souhaité, était à la hauteur de vos espérances. Et puis vous savez quoi, si ce n'était pas le cas, et bien il y a tous les autres jours de l'année pour célébrer l'amour. Alors, pas de problème. Allez, c'est reparti pour un tour. Voyons tout de suite ce que les astres vous réservent. Amis Bélier. Eh bien, même si votre chemin est sinueux, Jupiter gonfle votre mental, votre morale, marque les esprits, engagez-vous dans des activités qui stimulent votre créativité. Côté relation, Vénus vous incite à vous montrer sous votre meilleur jour, entourez-vous des personnes qui partagent votre enthousiasme. Taureau, Mercure renforce votre perspicacité et en plus votre mémoire est très précise, alors profitez de cette clarté mentale pour vous fixer des objectifs précis. Côté relation, la complexité des sentiments vous déstabilise. Écoutez-vous, mutuellement, oui, et exprimez vos émotions pour mieux vous comprendre. Ça passe toujours mieux en le disant, en s'expliquant. Gémeaux, selon Jupiter, votre morale peut tout. Waouh! Alors, pour en profiter plus longtemps, gérez votre temps efficacement et réservez-vous des pauses. Ça aidera toujours à avancer un petit peu mieux ensuite. Côté relation, célibataire, vous maîtrisez l'art subtil du charme, du respect et même de l'humour, waouh! En duo, votre connexion est authentique, alors continuez. Autrement dit, Gémeaux, cette semaine, ça passe tout seul. Cancer, dès mercredi, un amas planétaire en poisson joue en votre faveur. Alors n'hésitez pas à démontrer vos compétences même et à valider votre réputation positive. C'est tout à fait vous, ça. Côté relations, vous appréciez vraiment vos collègues ou compagnons de loisirs. Profitez donc de ces moments de convivialité, par exemple, en programmant un after work ou des déjeuners entre collègues. Lion. Alors cette semaine, que nous disent les planètes? Eh bien Mars, Uranus, le Soleil, simplement rien ne va dans votre sens. Bon, alors, il y aura de la fatigue, des douleurs musculaires, la gouttonnée même peut venir jouer les troubles faites. Tenez bon, on essaye de renforcer son système immunitaire, pardon. Peut-être un peu de citron, un peu de miel, des bonnes choses comme ça qui vont nous aider à passer le cap de l'hiver. Côté relations, Vénus et Jupiter, eh bien vous entourent de toute leur affection. Alors voilà, ça fait un petit cocon, une petite... Quelque chose de chaud à se mettre autour, misez sur votre sens relationnel pour égayer votre quotidien. Vierge, à partir de mercredi, une baisse d'énergie risque de se faire ressentir, alors soyez attentif aux besoins de votre corps pour exceller dans vos projets. Côté relation, un alignement des planètes dynamise vos interactions, pas de stress, peu importe la nature de vos liens, vous serez soutenu cette semaine. Balance, alors en milieu de semaine, le soleil annonce une bonne nouvelle professionnelle. Allez, on l'attend, on croise les doigts pour vous. Profitez des occasions, donc, pour progresser rapidement. Côté relation, Vénus et Jupiter boostent votre confiance et la chance est même de votre côté. Alors, n'hésitez pas à activer votre charme, peu importe votre situation. Scorpion, dès mercredi, les astres promettent, la bonne évolution de vos démarches. Alors, faites preuve de créativité et même d'intuition dans vos projets. Et côté relations, alors cette semaine, on aura Mercure et le Soleil qui encensent la communication, notamment avec vos enfants. Alors écoutez-les attentivement, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes, vous pourriez être surpris des réponses. Sagittaire, Mars rétrograde vous pèse alors que Jupiter vous booste. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, vous évoluez entre des pics de forme et des pics de fatigue. Acceptez simplement de vous faire aider quand vous serez un petit peu dans le creux. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, côté relation, Vénus sera là. Donc, Vénus illumine votre romance avec des moments passionnés, petit Vénard. Profitez pleinement de chaque instant. Exprimez vos sentiments sans réserve. Voilà, en plus, c'est la bonne semaine pour le faire. Donc, allez-y. Capricorne, Mars vous impose de réfléchir à vos plans d'avenir. Saturne et Uranus vous proposent de laisser votre génie s'exprimer. Alors, prouvez que vous êtes un as, tout simplement. Côté relation, Vénus attire votre attention sur vos rapports familiaux. Exprimez-vous, la communication ouverte favorise la compréhension. Et puis on le dit, la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux, mais pas que. C'est aussi pour tous les gens qu'on aime, alors n'hésitez pas à le leur dire. Verseau, les questions d'argent et des opportunités de contrat sont mises en avant cette semaine. Dès mercredi, renseignez-vous, un éclairage peut se produire. Côté relation, votre esprit fonctionne à toute allure. Mais votre corps, d'un autre côté, peine un petit peu à se détendre. Comptez sur votre moitié pour vous relaxer. Et puis célibataire, eh bien, no stress, simplement, voilà. Je sais, plus facile à dire qu'à faire, mais on essaye quand même. C'est la bonne semaine pour cela, en tout cas. Poissons, mes chers amis, poissons, enfin, c'est à vous. Dès mercredi, le soleil et Mercure se transforment en machine à succès. Oui, vos démarches sont efficaces grâce à votre ardeur et à votre clarté d'esprit. Exprimez-vous, c'est le moment de le faire. Côté relation, vous misez sur l'amitié. Un lien se renforce en ce moment, alors nourrissez-le et écoutez-le. Voilà, soyez présent. à chaque instant dans cette relation, elle vous sera très bénéfique. Voilà mes chers amis du Zodiac, c'était l'horoscope de cette semaine. On vous souhaite que les astres vous soient favorables, bien sûr, que les journées vous soient douces, remplies d'amour, de vos proches, la santé bien sûr, toujours. N'hésitez pas à commenter votre semaine, à nous raconter vos aspirations, à nous dire comment les astres influencent votre quotidien. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions que j'espère très bonnes pour vous. D'ici là, portez-vous bien, on vous embrasse bien fort. Ciao !